بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث numéro 5 وحدثني عن مالك عن عمه عن أبي سهيل بن مالك. Vous avez quoi chez vous pour ceux qui ont noté le PDF que j'avais envoyé? Ya an ou ibn ici? An. Ensuite, voilà, c'est bon. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Et donc, ici, la chaîne de transmission, et il m'a rapporté, selon Malik, selon son oncle, l'oncle de Malik, qui s'est marqué chez vous, Abi Suhail ibn Malik. L'oncle de Malik, Abu Suhail, sa kunya, il s'appelle Nafia. C'est qui le frère de Nafia? Et donc, l'oncle de Malik, qui s'appelle Nafia. C'est qui le frère de Nafia? Non. Il s'appelle comment Malik? Voilà, Anas. Donc, Malik ibn Anas, Malik, le fils de Anas, son oncle qui s'appelle Nafia, et donc, le frère de Nafia s'appelle Anas. Et donc, Abu Suhail, Nafia ibn Malik, et donc Nafia, le fils de Malik. Donc Malik, c'est le nom du grand-père de l'imam Malik. Malik, il a le même nom que son grand-père. An Abihi. Donc An Abihi, c'est-à-dire le père de Nafia, qui est Malik. Donc on a dans la chaîne de transmission l'imam Malik, son oncle Nafia et son grand-père Malik. Selon Ka'b al-Ahbar, qui dit إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَن تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ. Si vous désirez savoir ce qu'il y a pour le serviteur auprès de son Seigneur, alors regardez ce qui le suit comme bonnes éloges. فهذا الإسناد صحيح إلى كعب الأحبار وهو مخضرم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc cette chaîne de transmission elle est authentique jusqu'à Ka'b al-Ahbar qui a dit cette parole. Je vous ai dit que dans le Muwatta, il n'y avait pas que des hadiths, il y a aussi parfois des paroles des tabi'in, etc. Et donc Ka'b, il dit cette parole, et Ka'b, c'est Ka'b al-Ahbar, c'est un mukhadram. C'est quoi un mukhadram? Et donc, un mukhadram, c'est quelqu'un qui était vivant durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que musulman, étant croyant. Et donc, pour cela, à cause de cela, il n'a pas atteint le degré, donc, de As-Sahaba. Et les savants, ils placent le mukhadram dans la même tabaka, donc dans le même rang que les tabi'in. Et donc on a Ka'b al-Ahbar par rapport à cela. Qala Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, il dit Ya'ni ba'da mawtihi wallahu a'lam. Il dit ce qui est voulu par là, donc par rapport à la parole de Ka'b al-Ahbar, que je vais réexpliquer. Il dit ce qui est voulu par là, c'est après la mort de l'individu, wallahu a'lam. C'est-à-dire, idha ahbabtum an ta'lamu ma lil 'abdi 'inda rabbih fanzuru madha yatba'uhu min husni ath-thana'i ba'da mawtihi. Si vous désirez savoir ce que le serviteur détient auprès de son Seigneur, alors regardez ce qui le suit comme bonnes éloges après sa mort. Après sa mort, qu'est-ce que les gens disent de lui en bien? Vous verrez si c'était quelqu'un de bien. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك ما يؤيد ذلك. Il a été rapporté dans Sahihain, les deux recueils donc de Bukhari et de Muslim, ce qui va appuyer cela. قال أنس مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا وفي رواية قالوا جنازة فلان بن فلان أو جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. Et donc Anas ibn Malik, il dit, radiallahu anhu, ils sont passés à côté d'une janaza. Et ils ont prononcé des paroles élogieuses concernant cette personne. Et dans certaines narrations, ils ont dit, c'est un tel. Il aimait Allah et son messager. Et il œuvrait en accomplissant des actes d'obéissance pour Allah. Et appelait à cela. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, cela arrivera forcément. Cela arrivera forcément. Wa fi riwaya, wajabat, wajabat, wajabat. Donc cela arrivera forcément trois fois dans une autre narration. Thumma marru bi ukhra fa athna'u alayhi sharra. Ensuite ils sont passés à côté d'une autre genèse et ils ont critiqué cette personne qui était morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit wajabat. Et donc cela arrivera forcément. Et dans une autre narration, wajabat, wajabat, wajabat, trois fois. Cela arrivera forcément. Faqala Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, mais wajabat, qu'est-ce qui arrivera? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit, qu'est-ce qui arrivera forcément? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Omar radiallahu anhu en disant, celui-ci, vous avez prononcé des paroles élogieuses le concernant, alors le paradis, il aura forcément le paradis. Et l'autre, vous l'avez critiqué, il aura forcément l'enfer. Vous êtes certes les témoins d'Allah sur terre. Vous êtes certes les témoins d'Allah sur terre. Qala ibn Hajar fil Fath, antum shuhada'ullahi fil ard. Ay al-mukhatabun bidhalika min as-sahaba wa man kana ala sifatihim min al-iman. Wa haka ibn Tin أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات المتقنين انتهى. Ibn Hajar le dit dans Fath al-Bari que vous êtes des témoins d'Allah sur terre, c'est-à-dire ceux à qui cette parole était adressée parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont les mêmes caractéristiques qu'eux dans la foi. Dans la foi en Allah et au jour dernier. Donc ceux qui ont la même caractéristique que les sahaba dans la croyance, dans la foi. Et Ibn Tin, il a cité que cela est spécifique, cela est propre aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont eux qui parlaient donc avec la sagesse. Contrairement à ceux qui sont venus après eux, après les compagnons. Qale wassawab. Et il dit, donc ce qui est juste, la vie le plus juste, ce qui est correct, c'est que cela est spécifique aux gens qui sont fiables. El mutqinin. Excusez-moi, j'ai même lu el mutqinin tout à l'heure, c'était pas en arabe, c'était pas el mutqinin. Je viens de voir. El muttaqin. Et donc cela concerne ceux qui sont fiables. El muttaqin, ceux qui ont la taqwa. Et donc, c'est leur témoignage ici qui est pris en compte, pas le témoignage de tout le monde. Fin de citation. Ibn Abd al-Barr, il dit, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنون على أحد إلا بالصدق ولا يمدحون إلا بالحق لا لشيء من أعراض الدنيا شهوة أو عصبية أو تقية ومن كان ثناؤه هكذا يصح فيه هذا الحديث وما كان مثله والله أعلم. Ibn Abd al-Barr, il dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne faisaient pas d'éloges, ils ne faisaient des éloges sur quelqu'un que en toute vérité. Que en toute vérité. Et que, donc, excusez-moi, que en toute sincérité et que avec la vérité. Et il ne le faisait pas pour atteindre un bien de ce bas monde, par passion ou fanatisme, le fait de faire les éloges de quelqu'un par fanatisme ou par crainte. Et toute personne, il dit Ibn Hajar, et toute personne qui est, toute personne dont ses éloges sont comme cela, c'est-à-dire comme les éloges des compagnons, alors ce hadith, donc le concerne aussi, yasihu fihi hadha al-hadith, ce hadith, donc le concerne aussi, c'est-à-dire s'applique sur lui aussi, si cette personne donc a des éloges comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un parmi nous? Il y en a un parmi nous qui est comme ça? Ces éloges comme les éloges des compagnons, même la foi des compagnons, etc., etc. Celui qui prétend. Donc tout ça pour vous faire comprendre quoi? Que ce hadith-là, il faut faire attention. C'est pas parce que tu vas voir plein de personnes faire des éloges sur quelqu'un et après tu vas dire, ah, ils ont fait ces éloges, ils vont aller au paradis. Pourquoi? Le hadith. Non, non, non, non. Cela concerne ceux qui ont la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui suivent la voie des compagnons, etc. Et donc, il faut faire attention à cela, barakallahu fikum. Wa ma dhalika la nashhadu bil jannati li mu'ayyan illa man shahida lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, nous n'attestons du paradis pour quiconque. Pour quiconque, sauf celui pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté que celui-ci allait aller au paradis. Pourquoi? Parce que les gens, parce que cela, il y a deux groupes. Premièrement, ceux الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم. Nous attestons d'eux qu'ils font partie des gens du paradis par leurs caractéristiques. Sans citer la personne nommément. Comme le fait de dire les croyants qui ont la taqwa vont au paradis. Tous les croyants qui ont la taqwa vont au paradis. Cette parole, elle n'est pas fausse. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle du paradis, il dit « Uriddat lil muttaqin ». Le paradis qui a été préparé pour les muttaqin, pour ceux qui ont la taqwa. Et donc, tu peux donc parler des gens du paradis par leurs caractéristiques, la taqwa. Mais le deuxième groupe, ceux que tu vas citer, par leur nom. Tu vas citer donc, tu vas les citer nommément. Comme ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils vont au paradis. Cela, tu ne peux le faire que pour ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté, a affirmé que ceux-là vont au paradis. Sinon, tu vas juste avoir ar-rajah, narju, on espère qu'il aille au paradis. On espère qu'il aille au paradis. Le sixième hadith, وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامي بالهواجر. Il m'a rapporté selon Malik, selon Yahya ibn Sa'id. Ici c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui dit, il m'a été rapporté que l'individu, il atteint par son bon comportement le degré de ceux qui s'adonnent à l'adoration durant la nuit et de ceux qui sont assoiffé par le jeûne en milieu de la journée, al-hawajir bil-hajira, c'est-à-dire en plein milieu de la journée quand il fait le plus chaud. Cette personne, par son bon comportement, elle va atteindre le degré de celui qui s'adonne à l'adoration pendant la nuit et de celui qui va jeûner pendant la journée, qui va être assoiffé au milieu de la journée. Cependant, donc cette parole de Yahya ibn Sa'id, qui fait partie des enseignants de l'imam Malik, il n'a pas cité sa source. Wa ja'a al-hadith musnadan ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi musnad al-imam Ahmed. Le hadith a été cité avec une chaîne de transmission complète, donc dans le recueil al-musnad de l'imam Ahmed, et ainsi que dans le Mustadrak de l'Hakim. Il a été authentifié par Al-Hakim et l'imam Al-Zahabi qui donc a agréé cette authentification, ainsi que l'imam Al-Albani, rahimahullah. وهذا الحديث دليل على فضل حسن الخلق. Ce hadith nous montre les mérites donc du bon comportement. وذكرت لكم سابقا. Et précédemment, je vous ai cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'est plus lourd dans la balance au jour du jugement que le bon comportement. Et je vous ai déjà aussi cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fut interrogé, mais aktharu ma yudkhilu an-nas al-jannah, qu'est-ce qui fait le plus rentrer les gens au paradis? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa wa husnul khuluq. Qu'est-ce qui fait le plus rentrer les gens au paradis? At-taqwa, ainsi que le bon comportement. Et les frères, ce n'est vraiment pas quelque chose de négligeable, le bon comportement. Il ne faut pas négliger cet acte d'adoration. Cela fait partie des choses qui fait le plus rentrer les gens au paradis. فَالْعَاقِلُ حِنَمَا يَسْمَعُ هَذِي الْأَحَدِيثِ يُبَادِرُ إِلَى التَّوْبَةِ مِمَّا مَضَى وَيَحْرِسُ عَلَى تَحْسِينِ خُلُقِهِ لِيَنَالَ هَذَا الْفَضْلِ. Et donc celui qui a de la raison, lorsqu'il entend ce genre de hadith, il accourt au fait de se repentir concernant à ses actes passés et au fait de se corriger pour adopter un bon comportement par la suite. C'est important. Pour pouvoir atteindre donc le degré de ceux qui vont s'adonner à l'adoration pendant la nuit. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Inna al-muttaqina fi jannatin wa uyun. Certes, les muttaqin, ceux qui ont la taqwa, ils sont dans des jardins, à côté de ruisseaux. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Ils prennent ce que leur Seigneur leur a donné. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Avant cela, ils avaient certes une pratique excellente, une pratique religieuse excellente. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ils ne dormaient que durant une petite partie de la nuit. Et avant le fajr, un peu avant le fajr, ils imploraient le pardon de leur Seigneur. Yastaghfirun. Allah tabaraka wa ta'ala, il fait les éloges de ces gens-là. Parce qu'ils ont un degré élevé. Et toi, par ton bon comportement, tu peux atteindre ce degré-là. Par ton bon comportement, ne négligez pas cela, les frères. Al-Allama al-Sa'di, rahimahullah, il dit dans son tafsir, نومهم بالليل قليلا وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. Il dit donc ils dormaient peu durant la nuit, mais en ce qui concerne la majeure partie de la nuit, ils s'adonnaient à l'adoration pour leur Seigneur parmi la prière, la récitation du Coran, la prière, la lecture, les rappels, du moins, dhikr, donc faire des adhkar, ainsi que des invocations et le fait de s'adonner à l'imploration. Et donc, l'individu qui va tout faire pour avoir un bon comportement va atteindre le degré de ceci. Et donc, vous devez faire des efforts, oh mes frères, nous devons tous faire des efforts pour essayer d'adopter le meilleur comportement que possible. Il est important de comprendre que notre religion ne concerne pas que le fait d'adorer, ne concerne pas que le fait de faire la salat, la zakat, on se pose, talab al-ilm, etc. Non, il y a aussi le comportement, les frères. Cela est très important. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Certes, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Al-Bukhari, il cite dans Al-Adab al-Mufrad, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fut dit, « Ya Rasulallah, inna fulana takumu al-layl wa tasumu al-nahar, wa taf'al, wa tasaddaq, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, fa kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, la khayra fiha hiya min ahli an-nar, sahahahu al-Albani. » Et donc, dans ce hadith de Abu Huraira, il stipule qu'il fut dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, une telle, elle prie la nuit, donc elle s'adonne à l'adoration la nuit, et elle jeûne pendant la journée, et elle fait des actes de piété, l'aumône, mais cependant, elle fait du tort à ses voisins par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de bien en elle. Elle fait partie des gens du feu. Elle fait partie des gens du feu. Et donc fais attention, ya Abdallah, par rapport à ton comportement. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé, qu'est-ce qui fait le plus rentrer les gens au paradis? Il a dit, taqwa Allah, la crainte d'Allah et le bon comportement. Dans ce même hadith, il lui fut interrogé, et qu'est-ce qui fait rentrer le plus les gens en enfer? Dans une narration, il dit « El-Ajwafen ». El-Ajwafen. Dans une autre narration, il explique ce qui est voulu par El-Ajwafen. El-Fem ou El-Farj. La bouche ainsi que les parties. La bouche ainsi que les parties. Et donc, on doit faire attention à cela. Adopter un bon comportement et savoir tenir nos langues, nous préserver. Cela est très important. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.